Une femme au corps à demi nu à la fenêtre dans cette rue. Je la regarde et puis alors mes yeux se posent sur son corps comme un soleil au mois de juin dont la chaleur est trop loin. Elle se retourne, me dévisage, me prend-elle pour un mirage? Pourtant je suis là face à ses yeux. Pourquoi a-t-elle ce regard curieux? Elle me connaît depuis longtemps, depuis qu'elle a 18 ans. Elle a vécu à mes côtés pendant de nombreuses années. A-t-elle perdu la mémoire, ce qu'il reste de notre histoire? Ça fait un an que je suis partie, l'accident, mon amnésie, les souvenirs à sa recherche, emprisonnée dans une brèche. Un an que j'erre dans cette rue, un an déjà j'y croyais plus, et je la retrouve enfin, voilà le tunnel qui prend fin. À quel bonheur de voir sa femme, ça met le cœur au fond de l'âme. On sent mieux à nouveau un homme, après un an comme un fantôme. Et les fantômes du macadam à la recherche de leurs âmes vivent et se perdent dans les rues à la recherche de leur salut. Serait-ce un jeu aux mains de Dieu, un échec qui est tombé des cieux pour assouvir tous nos échecs et qu'on ne s'envole plus avec? C'est le matin, y a du soleil et ça me tire de mon sommeil. Tous les nuages ont disparu et de ma fenêtre je vois la rue. Y a des passants en chemisette, lunettes noires et des casquettes. Et puis y a cet homme bizarre qui ne bouge pas sur le trottoir. Il me regarde, j'en suis certaine, et moi je le reconnais sans peine. Mes doigts glissent sur leurs appuis et d'un coup la chaleur me fuit. Pas possible que ce soit lui, ça ferait un an aujourd'hui. Mon cœur se brise, la peur me prend, impossible qu'il soit vivant. D'ailleurs personne ne le voit, il est revenu juste pour moi. Je me souviens de ce coup de fil, l'hôpital tout qui défile. On a tout fait mais désolé, votre mari est décédé. Les pompes funèbres et le cimetière, mes larmes qui coulent sur la pierre. Et la tristesse d'une veuve qui courbe les chines sous cette épreuve, qui a un an s'est suicidé avec l'espoir de le retrouver. Et les fantômes du macadam à la recherche de leurs âmes vivent et se perdent dans les rues à la recherche de leur salut. Serait-ce un jeu aux mains de Dieu, un échec qui est tombé des cieux pour assouvir tous nos échecs et qu'on ne s'envole plus avec.